Bonsoir chers auditrices et auditeurs de Canal B sur antenne 94 MHz, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr le lundi en direct à partir de 21h30 et des brouettes et aussi à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Alors ça c'est à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec le podcast, les playlists et puis pas mal de liens pour pouvoir écouter davantage de sélections que celles qu'on vous propose toutes les semaines. Il y a à peu près 160, 170 10 numéros de l'Asile le plus sûr à télécharger à partir de asile35.blogspot.fr. Et on va attaquer avec une formation que je découvre avec cette réédition de leur frasque du début des années 80. Il s'agit de Jungle Nosy, un side project des membres de Smegma, le groupe qui avait démarré à Los Angeles vers 1973 et qui s'était expatrié à Portland, Oregon. Et à l'orée du début des années 80, les membres de Smegma avaient recruté quelques gars plutôt adeptes des musiques décalées et bancales comme eux. Donc on retrouve dans Jungle Nosy plusieurs membres émérites de Smegma, notamment le fameux Eric Steward alias Jusuk Rick Mitt, ainsi que Mike Shirley et surtout Michael Lestra alias Dr. Id, ingénieur et patron du Smegma Studio. Et donc avec cette formation Jungle Nosy, il s'était produit pas mal de fois sur scène dans des shows qui étaient assez extravagants et toujours très très décalés, et ils avaient produit un 45 tours maxi qui était sorti en 1982 sur un label totalement éphémère qui répondait au nom de Inner Mystic Records. Ils ont dû en vendre à peu près 25 j'imagine dans le bourg de Portland, et ça vient tout juste d'être réédité sur un vinyle longue durée cette fois-ci, donc qui réunit ce maxi 25 cm ainsi qu'un certain nombre de titres live et inédits sur un tout jeune label de Portland qui a été initié en 2011, Waterwing Records, qui est distribué d'ailleurs par Mississippi, et aussi Light in the Attic. On écoute le titre de Jungle Nosy qui va nous mettre bien en forme pour l'émission L'Asile le plus sûr. On écoute le titre Alternative. séquence assez longue pour démarrer l'asile de cette semaine. Tout d'abord avec Jungle Nosy, un titre là pour le coup assez bref, une musique plutôt art punk expérimentale à consonance no wave pour ces musiciens de Portland et ce side project des membres de Smegma, groupe que j'adore. Smegma et donc tout ce qu'ils ont pu produire à droite à gauche m'intéresse, à l'image de ce combo qui avait sorti ce 25 cm en 1982. Ils étaient rejoints par différents musiciens, il y avait même une chanteuse guitariste qui s'adjoignait au groupe sur le titre qu'on entendait, donc une formation basse, guitare, percussion avec un côté très très décalé, et donc une réédition aux éditions Water Wing Records. Puis on a enchaîné avec un projet plutôt d'obédience industrielle, de l'industriel un peu noise EBM. Il s'agit de D-Croups. Je ne suis pas forcément très amateur des disques de D-Croups, mais là, celui-ci est d'un acabit assez original. Il s'intitule Stahl Verrequiem, pardon, et c'est sorti par Bureau B juste à la rentrée, ou là, à la fin de l'été. Et il s'agit donc d'une revisitation du tout premier album de cette formation Teuton, un disque qu'ils avaient sorti en 1981, donc plutôt dans ce qu'ils pouvaient produire au début de leur carrière, à partir de la fin des années 70, début des années 80. Cette formation qui existe toujours, qui continue à produire et qui avait démarré plutôt dans une musique d'inspiration New Dutch Well et un peu dans la continuation du rock plutôt kraut. Et d'ailleurs, pour cette revisitation, on trouve un line-up assez original aux côtés du leader et mentor de D-Croups. Donc il y a à peu près, bon, il y a eu à peu près une dizaine ou une quinzaine de musiciens qui ont officié dans cette formation, notamment Bernward Malaka et Ralph Dorper. Il reste Jürgen Angler. Voilà, je suis toujours aussi bon pour prononcer le teuton. Et donc il s'est adjoint les services d'un peu de ses idoles, des gens qui ont inspiré la musique D-Croups, en tout cas à leur début. Et notamment on y retrouve donc pour ce disque Kurt Dahlke alias Pyrolator, qui fut membre de la formation assez mythique dans la new wave allemande Der Plan, et également les membres de Faust, figurez-vous, sont de sortie aussi. Zappi Diermeyer fait des percussions, même si on n'entendait pas vraiment son style sur le titre qu'on entendait au milieu, puisqu'il y avait aussi un autre batteur, et en la personne de Manny Neumeyer, qui est le batteur rescapé du groupe Gourou Gourou. Et bien évidemment, Jean-Hervé Perron, le membre éminent de Faust, est à la basse sur les deux pièces qui constituent cette revisitation de l'album des débuts de D-Croups. De longues pièces assez motoriques, avec un côté beaucoup plus rock peut-être que ce que peut produire Faust parallèlement. Pas mal de guitares très très en avant, deux guitares assez acérées, des claviers et bidouilleries électroniques de Kurt Dahlke, et puis pas mal de sons assez typiques des ambiances Faust et Gourou Gourou aussi, bien évidemment. D'ailleurs, je crois que le membre de D-Croups, qui est presque le survivant, on pourrait dire, Jürgen Engler, a aussi joué aux côtés d'Amon Guru et dans les Cosmic Couriers. Donc il a une carrière assez phénoménale, voilà, ce fameux Jürgen Engler et D-Croups. Et on a terminé avec un projet là qui est totalement inédit en ce qui me concerne. Il s'agissait d'un 45 tours qui a dû être enregistré à l'époque en une nuit. Ça avait été produit au tout début des années 80. La musique de Paul H. Williams qui s'était procuré un Korg et qui avait sorti ce 45 tours Fallen to Earth à l'époque. C'était sorti de manière assez confidentielle, cette musique qui revoit le jour grâce au bon soin du label The Tape Worm, Fallen to Earth 45 tours, donc sur ce label britannique qui produit principalement des cassettes et qui s'est vendu d'une réédition de ce 4 titres Fallen to Earth de Paul H. Williams, donc de l'art rock industriel assez typique de l'époque, initié en 1981 et très inspiré par la musique notamment des Californiens de Chrome, en tout cas c'est les propres dires de Paul H. Williams, également pas mal du côté de Cabaret Voltaire et autres Suicide, et on y retrouve bien évidemment les figures tutélaires de William Burroughs et Monsieur Ballard. Voilà pour cette musique enregistrée en 81 de Paul H. Williams, qui n'a pas produit beaucoup de choses par ailleurs. Il a sorti aussi un CD dans les années 90 et 2-3 cassettes. Je crois qu'il est plutôt plasticien. Voilà, on va continuer avec une formation islandaise, une fois n'est pas coutume. Il s'agit de Ami Ina et le disque Fantomas qui voit le jour sur étiquette Mengi. Amina, qui est une formation au départ plutôt classique de cordes dans un registre un peu post-rock. Alors pas tellement le post-rock à la Sigur Rós, plutôt un côté un peu plus lancinant. Ils se sont adjoints les services d'un batteur et d'un électroacousticien à partir de la fin des années 2000. Ils publient leur troisième disque, qui est un projet pour le moins original, puisque c'est une musique pour le film Fantomas, mais le film Fantomas de l'époque Feuillade de 1913, un projet scénique qu'ils ont développé notamment aux côtés de James Blackshaw, Tim Maker et même de Jan Tiersen. Il y avait eu des concerts notamment à Paris au théâtre du Châtelet pour cette musique du film de Louis Feuillade. Et je propose d'écouter le titre qui démarre ce disque de Amina Fantomas, donc c'est le titre lui-même d'ailleurs. Thank you. Voilà, donc c'était assez cut ce titre qui se terminait de Toc, le grand retour de Toc. Et avec The Compulsive Brass, donc le retour du trio constitué du guitariste Yvan Crous, du claviériste Jérémy Ternois et du batteur Christian Pruvot, qui nous avait tant enchanté sur leur précédent opus qui était sorti en 2014, je crois, c'était à la fin de l'année 2014, donc on avait écouté ça surtout en 2015, l'excellent Haircut, qui était deux pièces plutôt répétitives, très très bien senti, et cette fois-ci ils sont de retour avec une section de cuivre d'inspiration New Orleans. Non, pas du tout. Ce air bump a toujours un côté très mélange entre free rock et musique jazz nouvelle pour cette formation du nord de la France, qui est plutôt basée du côté de Lille et qui est produite par l'excellente étiquette Circumdisc, qui avait sorti aussi le précédent. Et la section de cuivre qui rejoint ce trio est plutôt connue pour les gens qui écoutent l'Asie le plus régulièrement. Il s'agit de Jean-Baptiste Rubin, saxophoniste émérite, notamment au sein de Biki, aux côtés de l'autre saxophoniste qui se retrouve aussi dans ce Compulsive Brass, Sakina Abdou. Et bon, il fait aussi partie de Louis Minus 16, Jean-Baptiste Rubin, bien évidemment. Et ils sont rejoints aussi par un joueur de tuba, Maxime Morel, qu'on connaît un tout petit peu moins, et Christian Pruvot, donc à la trompette. Et donc, comme toujours, Peter Orens, Yvan Crous et Jérémy Ternois. Alors, c'est un disque qui a été coproduit par plusieurs labels, comme de juste Tandoori Records, autre label de Lille et de la partie, ainsi que Do It Yourself, voilà, et Besides Records, donc Toc and the Compulsive Brass. Et juste avant, on entendait quelques mesures du Fantomas, la musique inspirée par le film de Feuillade du combo islandais Amina, un très beau disque de musique nouvelle, plutôt mélancolique. Ça fait pas mal penser d'ailleurs aux productions de James Blackshaw, qui a collaboré aux côtés de ce combo de Reykjavik. Et donc un disque qui sort ces jours-ci en CD par une étiquette islandaise aussi, Mangi, et c'est aussi disponible d'ailleurs en Europe grâce au bon soin de More Music. Voilà, on va continuer avec tout autre chose, et cette fois-ci des Canadiens du début des années 70 qui pratiquaient une musique pour le moins mélangée, qui réunissait un peu des ambiances post-prog et aussi un peu jazz-rock, un peu aussi ethnique façon Ravi Shankar. Il s'agit de Syrinx, une formation assez méconnue. Je vous avouerai que sans cette réédition triple vinyle aux éditions RVNG Intitled Tumblers from the Vault, je n'avais quasiment jamais entendu parler de Syrinx. Ils ont sorti deux disques au début des années 70, un premier album éponyme, pardon, et le Long Lost Relatives, deux disques qui revoient le jour donc sur cette étiquette électronique new-yorkaise, avec pas mal d'inédits, des titres singles, également des extraits de live. Et cette formation, dans cette formation officielle par contre, un musicien un tantinet plus connu en ce qui me concerne. Il s'agit du pianiste claviériste John Mills Cockell, qui est surtout fameux pour avoir été membre d'une autre formation canadienne un petit peu plus tôt, entre 66 et 69, Inter System, qui a fait l'objet d'une très très belle, d'un très beau coffret réédition chez Algamar Bergen à la fin de l'année 2015. Et bah, c'est aussi quelqu'un qui a son importance au niveau des musiques électroniques au Canada, puisqu'il a acheté l'un des tout premiers Moog qui sortait des ateliers de Robert Moog lui-même. Donc il a acheté ça à la fin des années 60 et il a commencé à pratiquer ses musiques électroniques primitives très très tôt, et notamment donc au sein de Syrinx, dans un côté psyché rock proto-ambiante et aussi pas mal électronique world presque sur les bords. Et c'est assez logique que ça sorte sur cette étiquette de New York, RVING, qui est une étiquette qui sort beaucoup de choses dans l'ambiante, pas mal aussi d'archives, notamment la musique de Craig Leon, qui est un producteur américain qui avait sorti des disques électroniques du début des années 80, donc ils sont plutôt très influencés par le son de l'orée fin 70, début 80 en général. Et donc là, ils ont fait un petit saut dans le temps avec cette réédition de Syrinx, et on va écouter le titre qui donne son nom à cette anthologie, donc le morceau Tumblers from the Vault. Je vous propose d'écouter Syrinx dans l'asile le plus sûr. είμαστε εδώ. Και στο εμπορικό κέντρο, άλλη αντίληψη. Άλλη αντίληψη για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το παιδί της παραμονής. Στο κέντρο της εισόδου. Νοχελικό αμφί σε πλαστικά καθίσματα. Χερουβίν από ροζ σπέρμα. Και ματ συναισθήματα. Μια πιθανότητα αριστερά, αριστερά, αριστερά. Τα δηληστήρια από νέων, πάντα σφαιρικά, ηρεμιστικά. Φωτίζονται μεταξύ τους όλα, ανήκουν σε όλα. Ηρεμιστικά όπλα ανθρώπων που πέθαναν από αγάπη δεν κυκλοφορούν, δεν χρειάζεται. Ούτε το ακορντεόν χρειάζεται πια. Η ουσία είναι το νέο. Το ακορντεόν κίνημα από το παρελθόν. Κόσμημα από το παρελθόν. Στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Η ουσία είναι το νέο. Άκρον άωτον, άχρον άοσμον αλλά νέα. À l'instant, l'asile plus sûr, trois titres enchaînés, trois nouvelles pièces de musique décalées, plutôt dans les mélanges entre électronique et autre chose. Tout d'abord, Syrinx, qui est une formation, on pourrait dire, un peu jazz-rock, un peu prog aussi, du début des années 70 au Canada. Ils avaient ouvert pour pas mal de concerts aussi de Miles Davis, pour montrer un petit peu l'ambiance de l'époque dans laquelle baignait le combo de John Mills Cockle, qui est aussi un membre de Intersystem, qui là est une formation beaucoup plus noise, dada, avec des spoken words, des choses très très bizarres. Syrinx est un tantinet plus, plus straight, je ne sais pas si c'est vraiment une formation tellement carrée, mais en tout cas, donc une formation qui avait enregistré pas mal au début des années 70 et qui s'était fait connaître aussi pour avoir enregistré la musique d'une série télé au Canada, Here Come the 70s. Ils avaient fait un générique d'une série télévisuelle qui avait pas mal plu à l'époque aussi, et ils mélangeaient donc clavier Moog un peu des débuts et aussi saxophone, percussion, voix, avec un côté parfois un peu d'inspiration indienne aussi sur certains titres. Donc deux albums étaient sortis à l'époque, qui viennent de revoir le jour sur cette anthologie Tumblers from the Vault, avec pas mal d'iconographie, toute l'histoire du groupe et des bonus, des inédits sur le troisième vinyle de ce très beau coffret aux éditions RVNG Untitled ou Intitled. Et c'était enchaîné avec le grand retour du percussionniste new-yorkais et aussi plasticien sonore Eli Kessler, qu'on n'avait pas entendu depuis un petit moment, notamment pour des disques en solo, lui qui avait produit pas mal au début des années 2010, notamment avec ses fameux enregistrements pour le label Pan Records de Bill Kouligas, Cold Pin et Catching Net, notamment des disques qui étaient un peu des émanations d'une installation sonore qu'il avait enregistrée à l'époque avec des des moteurs qui percutaient des tiges en métal et des objets et des cordes métalliques, et tout ça accompagné notamment de sa conjointe de l'époque, Miss Ashley Paul, avec laquelle elle avait aussi enregistré sous le nom de Aster, et puis pas mal d'autres gens qui s'adjoignaient à ses services, notamment Josh Mullen et autres bassonistes, violoncellistes, donc quelqu'un qui navigue entre le jazz contemporain, on pourrait dire, puisqu'il a aussi enregistré aux côtés de Joey McPhee en duo, ou encore de Oren Ambarchi, également aux côtés de Keith Fullerton Whitman pour l'électronique mélangée aux percussions, donc pas mal de rencontres en duo, et d'ailleurs il va revenir aussi prochainement avec un enregistrement aux côtés de Rachad Baker qui devrait sortir tout prochainement sur cette même édition Empty Edition qui sort ce Last Signs of Speed, qui est vraiment très très bon, un double 25 cm donc de ces frasques là pour le coup entièrement tout seul, mais tout seul avec pas mal d'électronique, un disque très très réussi de bout en bout de Ellie Kessler, qui est plutôt certains critiques appellent ça musique d'inspiration un peu dub, alors je sais pas trop, une sorte de nouveau dub, des structures un peu fractales aux percussions mélangées à de l'électronique qui claque et qui chatoie dans tous les sens. Donc voilà pour le disque de Ellie Kessler et ce Last Signs of Speed. Et on a terminé la séquence avec une autre découverte, toujours dans les mélanges entre électronique et on ne sait trop quoi, et cette fois-ci plutôt de la voix. Et il s'agissait de l'électroacousticienne grecque Lena Platonos, qui a surtout officié dans les années 80, qui a occupé un rôle assez important de la musique électronique en Grèce. Elle qui est née en 51 et qui a enregistré pas mal donc entre le tout début des années 80 et la fin des années 80, mais elle est toujours active. Elle sort aussi assez régulièrement des choses, et une musique là pour le coup assez surprenante au niveau électronique, très très originale. Ça me fait pas mal penser sa musique d'ailleurs à Annette Peacock, ce que pouvait produire Annette Peacock à peu près à la même époque, et donc un mélange entre électronique très décalé et une sorte de spoken words très inspiré aussi, on pourrait dire, par Robert Ashley qui sévissait beaucoup à l'époque. Donc une musique peut-être un peu minimale, répétitive, avec du spoken words et de l'électronique très mutante. Et on entendait un extrait d'un disque de 1984 sous le titre Sun Mask, Masks d'ailleurs, qui était sorti à l'époque sur Lyra et qui vient tout juste d'être réédité par l'excellente marque Dark Entries, qui est un label californien qui s'applique à rééditer quantité de choses très, très intéressantes, notamment des années 80 dans les musiques électroniques mutantes. On les avait surtout découverts avec les rééditions de Dark Day et puis pas mal d'autres choses aussi, ADN Crystal, Fall of Saigon, Algebra Suicide, Patrick Cowley, Crash Course in Science, donc vraiment toute cette grande famille des musiques électroniques un peu originales des années 80 sur Dark Entries. Et donc cette fois Lena Platonos et ce Sun Mask, ce qui est vraiment une vraie découverte. On va continuer avec une autre électroacousticienne qui vient tout juste de nous quitter. Il s'agit de Pauline Oliveros, l'accordéoniste et électroacousticienne minimaliste américaine qui vient tout juste de s'éteindre à 84 ans. On a appris sa disparition le week-end dernier, samedi très exactement. musicienne et expérimentatrice, pionnière des musiques électroniques sur synthétiseur analogique et musique aussi sur bande. Elle qui fit partie de quantité de projets importants de la musique électronique aux États-Unis. Elle avait été co-fondatrice en 1961 du groupe d'improvisation Les Sonics aux côtés de Ramon Sander et Morton Subotnick, et elle avait contribué à la création, elle avait fait partie du noyau dur, on pourrait dire, du San Francisco Tape Music Center, qui est depuis devenu le centre pour la musique contemporaine du Mills College. Voilà, donc c'est un peu la préhistoire du Mills College, le San Francisco Tape Music Center. Elle a aussi beaucoup enseigné dans ces établissements et elle s'était mise aussi à l'accordéon processé, là plutôt à l'orée des années 70 et années 80. Donc quelqu'un qui a une longévité vraiment phénoménale dans les musiques électroniques aux États-Unis et qui n'a pas arrêté de se remettre en question, de jouer avec des jeunes musiciens. Elle fait un peu partie de la grande famille des Steve Reich, Terry Riley, un peu toute cette bande-là, des Californiens aussi assez fous des années 60. Et puis elle a continué encore jusqu'à très récemment à improviser aux côtés d'à peu près tout ce qui bouge dans le domaine des musiques expérimentales de tout poil, notamment avec sa formation le Deep Listening Band, avec laquelle elle enregistrait beaucoup depuis les années 90-2000, notamment dans des environnements sonores un peu originaux avec beaucoup d'écho, et puis donc pas mal de musique aussi avec de l'accordage très particulier de l'accordéon joué en intonation juste. Voilà, donc on va pas faire une heure non plus sur la biographie de cette grande pionnière des musiques électroniques aux États-Unis. Juste pour lui rendre hommage, on va écouter un titre de l'époque des années 60 de Pauline Oliveros, avec un extrait d'un coffret qui était sorti à l'époque sur Important Records, un coffret 12 CD sous le titre Reverberation Tape and Electronic Music 1961 à 1970, et on va un titre qui a donné lieu à pas mal de déclinaisons, un mélange de bandes et de musique électronique, je crois, joué plutôt à l'époque sur synthétiseur Buchla Box série 100, qu'elle utilisait beaucoup à l'époque au Tape Music Center. Don Buchla avait fait partie du Tape Music Center et il avait développé ses synthétiseurs pour toute cette tribu-là. Et donc à partir de 66-67, elle enregistrait beaucoup sur ses instruments en utilisant pas mal les bandes, le re-recording, et on va pouvoir s'en rendre compte avec ce titre assez frappadingue de Pauline Oliveros. On écoute le Mind Bog. Thank you.

Thank you. Et voilà donc une séquence de musique électronique primitive à l'antenne du 94 MHz dans l'Asile le plus sûr. Séquence qui va devenir un peu nécrologique avec tous ces musiciens qui tombent les uns après les autres. C'est un peu l'hécatombe avec cette semaine deux hommages. Le premier, un hommage rendu à la grande pionnière des musiques électroniques californiennes, Pauline Oliveros, qui nous a quittés à l'âge de 84 ans le week-end dernier. On écoutait une pièce de 1967, elle qui avait commencé les musiques électroniques très très tôt, au tout début des années 60, qui a pratiqué ces musiques expérimentales et aussi dans des contextes d'improvisation libre pendant une bonne cinquantaine d'années. Et puis on a enchaîné avec un musicien qui lui pratiquait plutôt la musique en conserve, on pourrait dire. Il s'agissait de Jean-Claude Risset, qui lui nous a quittés également le week-end dernier à 78 ans, si je ne m'abuse. Et Jean-Claude Risset, c'est surtout quelqu'un qui est connu, lui, pour avoir été l'un des pionniers des musiques sur ordinateur à partir des années 60-70, notamment dans le même cénacle que des gens comme Max Matthews pour la France. Il y avait Jean-Claude Risset, qui fut très très important, très proche de Lina GRM aussi, tout autant que de l'IRCAM de M. Boulez, qu'il a contribué d'ailleurs à créer avec une lutherie d'instruments électroniques nouvelles et de façon de pratiquer ces musiques aussi à partir de l'informatique et des ordinateurs. Pas mal de disques sont parus à partir des années 60. 70, aussi dans les années 80, notamment pour les collections Ina Jerem. Et là, on entendait une pièce de 1968, la fameuse Computer Suit from Little Boy, qu'on peut retrouver sur cette anthologie qui avait été rééditée d'ailleurs aux éditions Imego, Musique for ou From Computer Recollection, la série de réédition de pièces du GRM des éditions Imego. Voilà, on va se quitter dans quelques instants, juste le temps de vous rappeler un peu les différentes actualités concerts, avec notamment le groupe Oiseau Tempête qui va jouer au Mondo Bizarro pour les bars en transe. Ce sera donc le week-end prochain à Rennes, vendredi soir, avec également Mnémotechnique, donc un concert à ne pas manquer dans le cadre des bars en transe, également Hyperculte dans le cadre de l'après-midi, le goûter concert à l'Ubu et autour de la Suisse par exemple. Et puis la semaine prochaine, aussi une actualité assez chargée dont on vous reparlera, avec des concerts à la Maison de la Grève. Ce sera donc samedi et dimanche, le samedi 10 décembre avec Tandimit, notamment le samedi 10, et Jean-Luc Guillonnet le lendemain, le dimanche 11. Mais on se quitte avec un dernier album, une dernière nouveauté, et cette fois la musique du saxophoniste d'origine portugaise Rodrigo Amado, qu'on a pu découvrir avec ses premiers disques qu'il avait sortis, notamment aux éditions Clean Feed, aux côtés de Carlos Ingaro, Ken Filiano au début des années 80, également aux côtés de Ken Kessler et Pal Nissenlove, et de quantité de musiciens, notamment les excellents Miguel Mira et Gabriel Ferrandini. Et il est de retour avec pas mal de nouvelles choses pour le label Notu Records, notamment un coffret quintuple CD sur lequel on le retrouve aux côtés de quantité de musiciens, Taylor Obinom, John Ebert, etc., etc., Lee Kuan Yin, j'en passe, et des pires, et un nouveau disque en trio sous le titre Desire and Freedom, donc aux éditions polonaises Notu Records. Et on le retrouve donc cette fois-ci aux côtés de sa section rythmique la plus habituelle, à savoir le violoncelliste Miguel Mira, donc c'est pas vraiment une section rythmique, mais quand même, et Gabriel Ferrandini à la batterie. Donc on écoute un extrait de la pièce qui démarre ce nouveau Rodrigo Amado Motion Trio, et le titre Freedom is a Two-Edged Sword. Je vous rappelle que l'émission est entièrement podcastable et réécoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très belle semaine. À bientôt.

φωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα, του ψυγείου ήχος γίνεται κακός γρίλος. Απ' το αυτί σου έπεσε ο ένας κρίκος, τρίπιο επί χρυσό φεγγάρι. Κι ό,τι έχει μείνει απάνω στο κρεβάτι, αίματα και μέλη, πάρε το χαμπάρι, πως μόνο διαλύσεις του μυαλού μου την Κυψέλη. Τότε θα φας το μέλι, τότε θα σ' αγαπήσω. Η Κυψέλη είναι απόρριτη, είτε φορητή, είτε αφόρητη, είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη. Η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους. Από φίλους, από μύθους,